bon? Il y a pris tout ce qu'il me restait. Salaud! Mon lit pouilleux et mon vieux canapé. Mes revues porno, ils m'ont tiré bourgeonillé. Marchant pieds nus sur le carrelage tout froid. J'ai remarqué que l'huissier fut sympa. Ça existe. Car dans le coin de la cuisine, il m'a laissé l'essentiel pour survivre. C'était du pain, saucisson, pinard et puis fronton. Pain, saucisson, c'est tout ce qu'il y a de plus bon. Pain, saucisson, pinard et puis fronton. Pain, saucisson, c'est tout ce qu'il y a de plus bon. Trois accords, accordéon, et en chantant de plus en plus fort, fond, quelques mots révolutionnaires, histoire de gagner un peu plus d'argent qu'hier. Dans mon chapeau, il ne reste que 5 euros. Et encore, histoire de m'acheter un pack de frites. Poivron. Cette chanson a mis un peu d'intérêt. On voulait juste chanter combien on aimait le pain, saucisson, pinard et puis fronton. Et puis fronton, pain, saucisson, c'est tout ce qu'il y a de plus bon. Yeah. Mais lorsque l'on consomme de ces produits sans modération, le lendemain matin nous sommes bons pour chanter et faire alliance avec ta édoliprane contre la chasse et puis le mal de crâne. Et faire alliance avec ta édoliprane contre la chasse et puis le mal de crâne. Putain, avec ta contre-chanson, on va avoir des connards fachos dans nos concerts.